putain, putain ça fait mal. Faut pas perdre les pédales, même si ton cœur est touché, ton honneur bafoué, ton visage pâle. Relève la tête, tu sais d'où tu viens. Ta famille, tes amis valent plus que les siens. Et rien, rien, même pas la neige en enfer ne pourra effacer toutes ces années que tu as passées à te taire. Un genou à terre, comment faire pour encore y croire, sortir ses rêves du tiroir. Un monde avec du cœur, pas prêt à juger tes erreurs. Pourtant t'as l'impression de voir toutes tes actions finir au fond et fondre comme un vulgaire glaçon. C'est pas le manque de courage de tout ton entourage qui réussira à changer tout ça. Et même si pour toi la bêtise n'est pas un coup bas, les gens sincères n'ont plus de repères. Ils ont tous oublié, n'ont pas respecté les promesses faites à leur mère. S'ils croient tout savoir, le sexe fort reste à voir. Ce qu'ils font c'est la guerre, mais ça n'est guère un espoir, tu sais. Que t'as raison d'attendre ton jour de gloire. S'il n'y a plus de saison, reste encore la pression de finir seul, perdu et te remettre en question. Si t'as un but, débute même de rien. Retiens bien, tes ennemis d'aujourd'hui seront tes alliés de demain. Autant de belles histoires que t'as eu du mal à croire, que t'étais la seule choisie à manger du pain noir et boire les fonds vers la misère. Ce n'est pas du tout ce que tu voyais dans le regard de ton père, tu sais. Être une femme n'est pas une arme. Tout ce qu'on nous autorise, c'est de laisser écouler nos larmes.